Selon le journal internet sud-coréen Tongilnews, l'action conjointe des formations civiles et sociales contre la disposition du SAD et pour l'interruption des exercices militaires américano-sud-coréens Key Resolve Aigle, dont font partie la Société de soutien aux prisonniers de conscience du Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation, la Direction Sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie et autres, livre depuis le 13 aux alentours de l'ambassade américaine à Séoul le sit-in contre l'installation du SAD par les États-Unis et les autorités sud-coréennes et le simulacre de guerre nucléaire contre le Nord. Par ailleurs, les formations civiles et sociales de différents milieux sud-coréens, comme le Comité de mesures extraordinaires pour la sauvegarde du lieu sacré de Songju du bouddhisme Won et le Forum pour la paix de la péninsule coréenne, protestent catégoriquement contre l'installation forcée du SAD par les États-Unis et les autorités sud-coréennes, apprend-on d'après les médias.